Les Huskies de Rouyn-Noranda ont perdu hier par la marque de 6 à 1 dans le cadre du quatrième match. C'est une série qui est égale 2 à 2. Et on va parler avec le gardien de but des Huskies de Rouyn-Noranda qui a connu une soirée difficile hier, Samuel Harvey. Salut Samuel. Bonjour, bonjour. Samuel, comment tu te remets au lendemain de cette défaite-là? C'est sûr que ça n'a pas été facile hier, mais c'est pas grave. T'sais, les séries, c'est au jour le jour. Puis on est chanceux. Demain, on peut se reprendre. Puis c'est 2-2 dans la série. Rien terminé. Fait que pour nous, notre but demain, ça va être bien préparé. Puis d'arriver en confiance dans le match. Okay. Gilles Bouchard, as-tu mentionné qui sera devant le filet finalement? Non, il n'a pas encore mentionné. Là, ça va se décider probablement demain matin. OK. Un match comme ça, est-ce que ça peut rentrer vraiment dans la tête des gardiens de but? Parce que ça n'a pas été facile. Ou encore le fait que Gilles t'a sorti rapidement, à quelque part, c'est peut-être bénéfique? Ben, je te dirais que oui, ça peut être bénéfique d'un certain sens. Puis, mais il faut garder en tête qu'une série, là, que tu perdes 6 à 1 ou que tu perdes 2 à 1 en prolongation, tu as perdu le match pareil. Fait que peu importe, tu passes à autre chose. Puis c'est important de se concentrer sur le prochain match puis pas rester dans le passé. Fait que je pense que ça va être ça là, pour le but du gardien qui va jouer demain. C'est peut-être mieux à quelque part perdre 6 à 1 parce que c'est vous allez peut-être être ramené plus sur terre puis revenir plus sur votre plan de match. Là. Ouais, mais tu sais. Encore là, je pense que quand on a perdu 6 à 1 hier, peut-être qu'on s'est éloigné un petit peu trop du plan de match. Fait que, ouais. Je pense que d'un autre côté, avoir bien joué hier, ça a été bénéfique aussi. Là, fait que, je pense qu'il y a deux côtés à la médaille. Puis, hier, on a perdu par un gros score. C'est nous autres de s'ajuster et d'arriver près demain. OK. Samuel, le fait que tu joues contre les Saguenayens, écoute, je regarde la série, j'ai une radio, je trouve ça bizarre un peu parce que Gilles, j'y parle assez souvent, il vient de Normandin. Toi, je t'ai appelé une couple de fois également, tu viens d'Alma. Mais c'est notre équipe locale, donc ça fait un petit peu spécial parce qu'on vous déteste pas. Sauf qu'on, à quelque part, on est Saguenayens, mais à quelque part, pour Samuel Harvey, les gars de la région, parce que Gilles est des gars de la région, Samuel, Olivier, puis je pense qu'il y en a un autre également. Ça doit faire un petit peu spécial, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est sûr que ça fait un petit peu spécial, tu sais. C'est sûr qu'on a de la famille dans les Australes, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui tiennent pour leur équipe, puis tu sais, on se fait crier notre nom, puis ça devient un peu bizarre, là, mais c'est pas grave, tu sais. Les partisans ici, ils veulent que leur équipe gagne, puis peu importe c'est qui les joueurs adverses, ben, tu sais, pas sûr qu'ils vont nous laisser des cadeaux, là. Fait que dans un sens, c'est juste normal, puis, c'est pas un dérangement pour nous autres, puis on comprend ça aussi, puis il y a quand même des gens qui sont en arrière de nous autres, notre famille, puis tout ça. Ça fait partie de la game, à quelque part, aussi, là. Oui, non, c'est ça. Ça fait partie de la game, puis c'est vraiment normal, hein, surtout en série, là. Ben oui. Samuel, parlons de ta saison, maintenant. Comment est-ce que t'es satisfait de ta saison? Ben, je te dirais que j'ai connu une très bonne première moitié de saison. Après ça, je pense que j'ai eu un mois de janvier qui était un petit peu plus difficile, sauf que quand même, début février, là, j'ai recommencé à trouver mes repères, mais j'ai eu une blessure à un pied qui a un peu écourté ma saison. Puis j'ai joué, il restait comme 5 matchs à saison, puis j'ai recommencé à jouer là. Et c'est sûr que quand tu reviens d'une blessure, c'est jamais facile de retrouver le timing puis tout ça. Fait que surtout qu'on arrivait en série rapidement, il a fallu que je travaille plus fort. Puis je pense qu'au début des séries, ça a paru un petit peu que j'étais pas complètement timé, sauf que je pense qu'en ce moment ça va bien. Même hier, je pense que c'est juste un erreur de parcours, puis aussitôt que je vais revenir dans le but, ça va bien aller. La saison est loin d'être finie, puis il nous reste encore beaucoup, beaucoup de hockey devant nous. OK. Le fait que c'est ta première saison également, comment tu as trouvé ça que tu étais numéro un? Ben, je te dirais que c'est une très belle expérience. Il y a eu beaucoup d'apprentissage à faire. Tu sais, quand tu es numéro un, tu joues plus de matchs, puis il faut que tu sois concentré à chaque match. Je pense que justement, là, c'est un peu ça que je vais avoir appris dans ma première saison en tant que numéro un. Et tu peux pas vraiment te laisser avoir de soirée off. Là. Je pense que justement, dans le mois de janvier, ça a été peut-être un petit peu plus difficile, mais c'est de l'apprentissage. Je pense que l'année prochaine, je vais savoir comment réagir. Puis mon but, ça va être d'être toujours là à temps plein. Comment tu as trouvé ça quand les Huskies sont allés chez Olivier Tremblay? Est-ce que c'était quelque chose que... Est-ce que tu t'es posé des questions ou vraiment là tu as vu ça comme peut-être comme un peu de l'aide? Ben, je te dirais que quand ils sont allés chercher Oli, là, j'ai Gilles m'avait rencontré avant, puis tu sais, c'était mis au clair qu'on allait chercher Oli parce que on voulait avoir deux bons gardiens de but, puis que je pense que surtout maintenant, là, tu peux pas aller super loin en série, puis tu comptes pas sur deux bons gardiens de but, fait que c'était mis au clair, puis notre but cette année c'était de gagner, donc fallait que Gilles aille la meilleure équipe sur glace, puis je pense qu'en allant chercher Oli, ça nous a super aidé, fait que ça s'est super bien passé, puis Oli c'est un bon ami à moi, fait qu'il y a eu aucun problème avec ça. Puis, tu sais, je pense que Gilles, tu sais, sa méthode, justement, en série, tu sais, on le voit, c'est de faire jouer les deux gardiens de but. Puis, sans avoir été chercher Oli, je pense que ça n'aurait pas pu être possible. OK. Ben, Samuel, je sais pas si il faut que je te souhaite bonne chance, parce que c'est notre équipe locale, mais je te souhaite bonne chance. Quoi, m'as-tu souhaité une bonne performance avec une défaite des Huskies demain? Mais une bonne performance de Samuel Harvey. Merci beaucoup, on s'en reparle prochainement. Parfait, merci beaucoup. Le gardien de but des Huskies de Rouyn-Noranda, Samuel Harvey.